إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال له لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب. أيها المسلمون، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أتاه سائلا مستنصحا، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب وكررها عليه، وما ذلك إلا لأن الغضب يجمع الشر كله، والغضب عكس الرضا، وهو في حق البشر خلق يداخل قلوبهم. أبو هريرة رضي الله عنه رابورت et dit qu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Conseille-moi ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Ne t'énerve pas ». Puis l'homme a réitéré sa question à plusieurs reprises et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait « Ne t'énerve pas ». Il y a dans ce hadith un conseil précieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à cet homme qui est venu vers lui, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander conseil, de le diriger vers un acte qui lui permettra de connaître la félicité dans cette vie d'ici-bas et également dans celle de l'au-delà. وَالْغَضَبُ أَنْوَعُ الغضب المحمود وهو ما كان لله عندما تنتهك محارم الله، وهذا النوع ثمر من ثمرات الإيمان، إذ إن الذي لا يغضب في هذا المحل فهو ضعيف الإيمان. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام بعد علمه قومه اتخاذهم العجل، قال الله عز وجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله عز وجل فإنه يغضب لذلك، وقال فيه ولم يسكت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة كما في سنن ابن ماجه وهو حديث صحيح. ودخل صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة رضي الله عنها فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور كما في الصحيحين. ويسمع فليسمع الذين يعلقون التصاوير في بيوتهم وليسمع الذين يصنعون المجسمات في مجالسهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح آخر لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. فاعلم أيها المسلم الذي ابتليت بتعليق الصور في بيوتك، اعلم أن الملائكة لا تدخل بيوتك، وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Et l'énervement et la colère se divisent en deux. Il y a une colère qui est juste et recommandée, voire quelquefois obligatoire. Il y a une autre colère qui, elle, doit être réprimandée et doit être condamnée. Quant à la colère qui est souhaitée et demandée aux musulmans, c'est la colère lorsque les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala sont transgressées, lorsque les limites qu'Allah azawajal a instaurées sont dépassées, lorsque ces interdits sont commis. Dans ce cas, le musulman doit être pris par une colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de ceci est lorsqu'Allah azawajal a parlé de Moussa alayhi salam, lorsqu'il s'est absenté de son peuple un certain temps, et une fois revenu vers eux, il les a trouvés en train d'adorer un veau. Et Allah azawajal a cité cela dans le Coran. Il dit selon le sens, et lorsque Moussa retourna à son peuple fâché et attristé, il dit vous avez très mal réagi pendant mon absence. Ici Moussa alayhi salam s'est énervé pour Allah subhanahu wa ta'ala, car ses limites ont été transgressées par son peuple durant son absence. Et ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'énervait pas que lorsque les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient transgressées. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait quelque chose qui ne lui plaisait pas, ou quelque chose qui encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énervait et condamnait cet acte. À ce sujet ou à ce titre, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu les reproches d'un homme qui a dit qu'il venait en retard à la prière du matin, car l'imam de sa mosquée allongeait la prière de façon abusive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il dit, et je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerver durant une exhortation comme il s'est énervé ce jour-là. Et il a dit, ô vous les gens, il y a parmi vous des gens qui font fuir les autres lorsque l'un d'entre vous préside la prière, qu'il fasse une prière simple et souple et aisée, car il y a derrière lui des personnes âgées, il y a derrière lui des enfants, et il y a derrière lui des personnes qui ont des choses à faire. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré un jour chez lui et a vu des rideaux que Aïcha radhiyallahu anha avait mis en place, qui comportaient des images. Et le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu rouge. Et il a dit à Aïcha radhiyallahu anha, les gens qui seront les plus châtiés le jour du jugement sont ceux qui créent ou dessinent ces images. Ceci est un rappel. Tous les gens qui accrochent des photos d'êtres vivants, que ce soit des photos de souvenirs, des photos d'animaux, etc., lorsqu'ils les accrochent chez eux, qu'ils sachent que les anges n'entreront pas dans leur maison. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une photo accrochée ou dans une maison où il y a un chien. Que ce soit un rappel pour ces gens qui accrochent des photos dans chaque pièce de leur maison, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, car si les anges n'entrent pas dans leur maison, les diables, eux, n'hésiteront pas à y entrer. وما أكثر ما تنتهك محارم الله في هذا الزمان علنا وسرا فكثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لا هم لهم سوى نشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة وإشاعة الفاحشة وبث الشهوات وتزيين المنكر وإنكار المعروف والاستهزاء بالدين فهذا كله مما يوجب الغضب لله وهو من الغضب المحمود وعلامة على قوة الإيمان وهو ثمرة لحفظ الأوطان وسلامة الأبدان وتظهره ثمرة الغضب هنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى الميد الله عز وجل sont énormément transgressés et dépassés à notre époque de façon claire parfois et de façon cachée dans d'autres fois, et les moyens ou les médias n'hésitent pas à diffuser, que ce soit à la télévision ou à la radio ou à travers les journaux, ils n'hésitent pas à diffuser les choses obscènes, ils n'hésitent pas à diffuser des choses qui combattent et qui contredisent le bon sens, et ils n'hésitent pas à diffuser la turpitude et à émettre des doutes, à embellir le mal et à donner une mauvaise image de la vérité, et parfois même à se moquer de la religion. Tous ces actes doivent provoquer une colère chez le musulman. Il doit être en colère lorsque les limites d'Allah Azzawajal sont transgressées. Et ceci est une preuve de sa foi véridique et de sa foi ferme, car un musulman n'aime pas quand les limites d'Allah Azzawajal sont dépassées. ولكن حذاري لمن غضب لله ولرسوله أن يخرجه غضبه عن الحق وأن يقول بما لا يعلم أو يتآلى على الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجلان في بني إسرائيل متواخين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، أي انتهي عما تفعله من المعاصي. فوجده يوما، أي هذا المجتهد في العبادة، وجد هذا العاصي يوما على ذنب فقال له: أقصر، أي انتهي من هذه المعصية. فقال هذا العاصي: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا. فقال المجتهد في العبادة: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله تعالى أرواحهما. وفي رواية أخرى: أرسل الله عز وجل ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: كنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهب به إلى النار والعياذ بالله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه معلقا على هذا الحديث: ولقد تكلم، أي هذا المجتهد في العبادة، بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضبه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. إن هذا العابد غضب لله ثم تكلم في حال غضبه بما لا يجوز وتآلى على الله بما لا يعلم فأحبط الله عمله فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه وتابع في ذلك هواه بما لا يجوز والعياذ بالله. Il faut certes s'énerver et éprouver de la colère lorsque les limites d'Allah Azza wa Jal sont transgressées, mais prenez garde à ne pas dépasser les limites dans l'énervement. Lorsque tu t'énerves pour Allah et pour son envoyé, que ton énervement et que ta colère ne dépassent pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah, il y avait deux hommes parmi les fils d'Israël qui étaient des personnes proches. L'un d'entre eux commettait des péchés et l'autre était une personne qui accentuait et qui adorait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui adorait Allah Azza wa Jal, lorsqu'il voyait l'autre qui désobéissait à Allah Azza wa Jal, il le conseillait, il lui disait, abstiens-toi, arrête de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au jour où il l'a trouvé en train de faire un péché, il lui a dit, arrête ton péché et abstiens-toi de cette désobéissance. Et cette personne lui a répondu, ou cet homme lui a répondu, laisse-moi et mon Seigneur. Est-ce qu'Allah t'a envoyé pour me suivre partout où je vais, ou Allah Azza wa Jal t'a-t-il envoyé pour me juger et pour être sur mes traces sans cesse? Puis il a dit, c'est-à-dire cet homme qui adorait Allah Azza wa Jal, il lui a répondu, Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonnera jamais. Ou dans une autre version, Allah ne te fera pas entrer au paradis. Et Allah Azza wa Jal, sur le champ, a envoyé un ange qui a pris leur âme. Et ils se sont réunis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Puis Allah Azza wa Jal s'est adressé à cette personne qui l'adorait beaucoup et lui a dit, as-tu une science ou as-tu la même science que moi? Connais-tu ce que je sais? Et Allah Azza wa Jal lui a dit également, au kunta ala ma fi yadi qadira, ou bien as-tu la capacité ou le pouvoir de faire ce que moi je fais? Puis Allah Azza wa Jal s'est adressé à celui qui lui désobéissait et lui a dit, entre au paradis par ma miséricorde. Et Allah Azza wa Jal a dit à ses anges d'emmener l'autre en enfer, wal'iyadu billah. Et Abu Huraira radiallahu anhu a dit que cet homme, c'est-à-dire celui qui adorait beaucoup Allah Azza wa Jal, a prononcé une parole qui a détruit sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Cet homme qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala s'est énervé pour Allah subhanahu wa ta'ala, car c'était la désobéissance de son ami qui provoquait cette colère en lui, mais cette colère l'a amené à dire des choses qui ne sont pas acceptables en islam. Cette colère l'a amené à dire sur Allah subhanahu wa ta'ala des choses qu'il n'a pas le droit de dire. Et Allah Azza wa Jal a annulé ses actes, toutes ses adorations qu'il a fait, et a ordonné qu'on l'emmène en enfer. Que dire alors de ceux qui s'énervent dans des choses qui les concernent? Autrement dit, ceux qui ne s'énervent pas, ou ceux qui n'ont pas de la colère pour Allah et pour son envoyé, et qui, dans cette colère, désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. أما المذموم فهو الذي يكون للنفس أو الجماعة أو الهوى والشيطان. يقول الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية والغضب عادة ما يجلب على صاحبه ما يندم عليه إن لم يتحكم فيه، هذا إن لم يكن غضبا لله ولدينه، وإقلاع الغضب من جذوة أمر يكاد أن يكون مستحيلا، لأن الغضب شيء فطري طبيعي. وأما الممكن فهو أن الإنسان يقضي على آثار غضبه القولية والفعلية فيتحكم في مشاعره فيوقفها عند حدود الله، وذلك بالتفكر في عواقب الغضب في الدنيا والآخرة، وبالترغيب والترهيم وبالإكثار من مجالس مجالسة الصالحين والحلماء الذين ينصحون ويعينون وسيعينونه على مقاومة أسباب الغضب. وكثير من الآباء والأمهات يدعون على أولادهم باللعنة والشلل والموت والمرض والعياذ بالله، ولو استجيب لدعائهم لحزنوا أشد الحزن. فليتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أولادهم، ودعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة ساعة إجابة، فيهلك بذلك نفسه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. Il y a la deuxième sorte de colère et d'énervement qui elle est à réprimander et est à condamner. C'est l'énervement et la colère que la personne a pour défendre sa personne, ou pour défendre sa tribu, ou pour appuyer l'égarement dans lequel il est, ou l'énervement qui provient de la personne et sa colère pour défendre les passions qu'il suit, ou alors pour suivre le diable, al-iyadu billah. Et la colère fait partie d'un comportement qui est propre à l'être humain. Et il est très difficile à l'être humain de ne pas s'énerver. Mais une chose qui est possible, c'est de maîtriser sa colère et de ne pas montrer cette colère à travers des actes ou des paroles, et de montrer cette colère selon ce qu'Allah Azzawajal t'a autorisé et t'a permis de montrer sans transgresser ses limites. Comment retenir sa colère, ou comment ne pas l'exprimer de façon abusive? La personne peut très bien le faire lorsqu'elle se rappelle les méfaits de la colère dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Lorsqu'il se rappelle les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il encourage à être calme et serein, et les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de s'énerver, mais également ce qui va l'aider à contenir sa colère, c'est de côtoyer des personnes pieuses, des personnes douces, des personnes sereines qui le conseilleront et qui lui donneront des méthodes pour pouvoir contenir sa colère. Et malheureusement, beaucoup de pères et de mères invoquent contre leurs enfants en demandant la malédiction contre eux, ou en demandant qu'ils soient atteints d'un handicap, ou carrément qu'Allah subhanahu wa ta'ala les tue, ou qu'Allah leur donne une maladie. Tout ceci est interdit. Et si cette invocation que ses parents font envers leurs enfants était exaucé, ils le regretteront toute leur vie. Qu'ils craignent donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils craignent donc Allah subhanahu wa ta'ala dans leur personne et dans leurs enfants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim dans son sahih: n'invoquez pas contre vous, n'invoquez pas contre vos enfants, n'invoquez pas contre vos biens, de peur que votre invocation ne coïncide avec un moment où Allah Azza wa Jal exaucera cette demande. ولذلك كان من روائع دعائه صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمته صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وما أعظم هذا الدعاء لمن يتأمله ولمن يتذكره، إنه دعاء عظيم، وهو مع ذلك يحمل توجيها من المصطفى صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يكون عادلا، أن يقول كلمة الحق fihali radabihi wa fihali ridah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait souvent son Seigneur par cette invocation: ô Allah, je te demande la parole véridique dans les moments de colère et dans les moments de sérénité. C'est une invocation immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contient un grand bien pour celui qui la médite et pour celui qui raisonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un conseil aux musulmans d'être juste et de dire des paroles véridiques, des paroles vraies, sans offenser qui que ce soit, et ceci que la personne soit en état de colère ou bien en état de sérénité. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، يحتاج المسلم أن يعالج الغضب في نفسه، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. فمن الأدوية الشرعية لعلاج داء الغضب أولا الاستعاذة من الشيطان. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستباني، فأحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. Sachez que le musulman a besoin de se soigner de cette maladie qui est appelée la colère et l'énervement. Et Allah Azza wa Jal n'a envoyé de maladie que en étant accompagné de son remède. Et il y a des remèdes islamiques qui permettent à l'être humain qui est atteint de cette maladie qui s'appelle la colère et l'énervement, des moyens qui vont lui permettre de contenir ceci, voire de l'éradiquer. Le premier remède, c'est la demande de refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si le diable t'incite, alors cherche refuge auprès d'Allah, car c'est lui qui entend tout et c'est lui qui est omniscient, connaisseur de toutes choses. Et Sulayman ibn Surat rapporte et dit qu'il était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux hommes se sont insultés au point que le visage de l'un d'entre eux a fortement rougi et ses veines se sont mis à enfler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je connais une parole, s'il l'avait dite, eh bien ce qu'il ressent serait parti. S'il avait dit a'udhu billahi minash shaitan, je demande la protection d'Allah contre le diable, eh bien cette colère qu'il ressent se serait dissipée. وثانيا تغيير الحال فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Le deuxième remède, c'est de changer de position, comme cela est rapporté dans le hadith d'Abu Dhar رضي الله عنه, qui rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: lorsque l'un d'entre vous est pris de colère, en étant debout, qu'il s'assied. Et si la colère n'est toujours pas partie, alors qu'il s'allonge. Thalithan, tarkul mukhasama, wa luzum al-sukut, qala al-shaykh Abdul Rahman al-Sa'di, rahimahullah, wa min al-umur al-nafi'a, an ta'lama anna adhiyata al-nasi lak, wa khususan fil aqwal al-sayi'a, لا تضرك بل تضرهم إلا إن اشتغلت نفسك في الاهتمام وسوغت لها أن تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك كما ضرتهم فإنما أنت لم تصنع لها بالا فإن أنت لم تصنع لها بالا لم تضرك شيئا كما قال الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أو علموا وبشروا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت. Le troisième remède, c'est de se taire et de ne pas répondre aux provocations et aux insultes, comme l'a dit Cheikh عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. Et les choses bénéfiques à savoir, c'est que le mal que te font les gens, et en particulier les paroles mauvaises qu'ils dirigent contre toi, ne te font aucun mal, mais leur portent atteinte à eux, sauf dans le cas où tu leur réponds, ou dans le cas où tu prends en considération ce qu'ils ont dit. Dans ce cas, ces paroles te porteront atteinte comme elle leur porte atteinte. Mais si tu ne réponds pas à ces provocations et à ces insultes, eh bien, ces insultes ne porteront préjudice qu'à ceux qui les ont prononcées et non pas à celui vers qui elles ont été dirigées. Et à ce sujet, un poète a dit « L'impoli me parle en toute vulgarité et je déteste lui répondre. Il accentue sa vulgarité et je redouble de douceur comme un morceau de bois qui diffuse un doux parfum, plus il est brûlé. » C'est-à-dire plus ce bout de bois est brûlé et plus il diffuse une odeur agréable et douce. Et Abdullah ibn Abbas a rapporté dans un hadith authentique selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Enseignez, annoncez la bonne nouvelle, facilitez aux gens et ne leur rendez pas la vie difficile. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ » Et lorsque l'un d'entre vous s'énerve, qu'il se taise. Et lorsque l'un d'entre vous s'énerve, qu'il se taise. وَأَيْضًا تَرْكُ الْغَضَبِ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب ولك الجنة. وأيضا المباهاة به على رؤوس الخلائق فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفده دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. Et les mérites de ne pas s'énerver sont multiples. Parmi ces mérites, et le plus grand de ces mérites, c'est l'entrée au paradis. Abu Darda radiallahu anhu rapporte qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, montre-moi ou apprends-moi un acte qui me fera entrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne t'énerve pas et tu auras le paradis. Hadith authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah. Et également, les mérites, c'est qu'Allah azawajal s'adressera à toi le jour du jugement devant l'ensemble des créatures et te proposera la huri, c'est-à-dire l'une des femmes ou parmi les femmes du paradis, celle que tu désireras. Comme cela est rapporté dans le hadith de Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui retient sa colère tout en ayant la possibilité de la lâcher, eh bien Allah azawajal l'appellera le jour du jugement devant l'ensemble des créatures et lui dira, choisis parmi les hur'in, parmi les huri, celle que tu désires. Wa akhtimu bi hadith Abi Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu qala kuntu adribu ghulaman li bis-sawt fasami'tu sawta min khalfi i'lam Aba Mas'ud falam afham as-sawta min al-ghadab qala falamma dana minni إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فالتفيت فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قال أبو مسعود رضي الله عنه فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. Je terminerai par le hadith d'Abu Mas'ud radiallahu anhu qui rapporte et dit, je frappais un enfant avec un fouet et j'entendais une parole derrière moi ou une voix derrière moi me disant, sache Abu Mas'ud, et je ne comprenais pas cette parole à cause de ma colère et de ma fureur. Et lorsque cette personne s'est rapprochée, il s'est avéré que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il me disait, sache Abu Mas'ud, sache Abu Mas'ud. Puis j'ai jeté mon fouet et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sache Abu Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de, a une capacité sur toi qui est plus grande que la capacité que tu as sur cet enfant. Et Abu Mas'ud radiallahu anhu a juré qu'il ne frapperait plus personne de ses mains. أقول قولي هذا وأستغفر الله ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الحلماء أن يجعلنا من الذين يقولون كلمة الحق في الرضا والغضب ونسأله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا من الذين يدعون على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أموالهم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا طراز أقيموا صفوفكم وصدوا الخلف استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبت